Enseignement par le Vénérable Sayado Upanyasami, retraite Vipassana 2003, Centre d'Amarancy. I am invited to teach meditation here by Maria Sisi. I am very happy to have our meditators who want to practice Vipassana meditation. Yesterday, I explained how to practice Vipassana meditation. Today, I would like to explain the benefits of practicing Vipassana meditation according to the Satipatthana Sutta. J'ai été invité dans ce centre par Marie-Cécile pour y enseigner la méditation. Je suis très heureux de voir que vous êtes venus nombreux pour pratiquer Vipassana. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous devez pratiquer la méditation Vipassana conformément à ce qui est expliqué dans le Satipatthana Sutta. Le Bouddha nous enseigne qu'il y a deux types de pratiques, Samatha et Vipassana. La méditation Samatha mène à la concentration. Si vous pratiquez Samatha, votre esprit va se concentrer. La pratique de Vipassana va vous mener non seulement à la concentration, mais également à la vision de la réalité telle qu'elle est vraiment, la réalité telle que vous la ressentez dans votre propre corps et dans votre propre esprit. Je voudrais commencer par réciter le texte pali et je le traduirai ensuite en anglais. Ekayano yam bhikkhave mekho saddhanam visuddhiya soka paridhevanam samadhikamaya dukkha dhammanasanam athengamaya nyayasa adhikamaya nibbanasa sacchikiriyaya yadidham chattaro satipatthana kadame chattaro ida bhikkhave bhikkhu Kaye kaya nubasi viharati adabhi sabbhajano satima viniya loke bheja dhammanasam vedanasu vedana nubasi viharati adabhi sabbhajano satima viniya loke bheja dhammanasam chaite chaita nubasi viharati adabhi sabbhajano satima Vinaya loke bheja dhammanasam dhammesu dhammanubhasi viharati adabhi sabbhajano satima vinaya loke bheja dhammanasam. These are the Pali taught by the Buddha. Telles sont donc les paroles du Bouddha. Je vais maintenant vous les traduire. Ceci, Bhikkhu, est le seul chemin pour la purification des êtres, pour la victoire sur le chagrin et les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, pour l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, pour la réalisation de Nibbana, à savoir les quatre établissements de l'attention, la contemplation du corps, la contemplation des sensations, la contemplation de l'esprit et la contemplation des dhammas. Le Bouddha nous dit, Bhikkhu, ceci est le seul chemin. Je vais commencer par vous expliquer le terme Bhikkhu. Il y a deux sortes de Bhikkhu. La communauté des moines, des gens qui dépendent des laïcs pour leur subsistance. Ils ne peuvent pas travailler et doivent mendier leur nourriture tous les jours. ce sont des bhikkhus. Il y a ensuite les méditants. En réalité, le terme bhikkhu réfère à toute personne qui, ayant un certain sens de l'urgence, samvega, désire se libérer de la souffrance. Une telle personne est dite un bhikkhu. Mais lorsque dans ses sermons le Bouddha s'adresse aux bhikkhus, il s'adresse en réalité aux méditants. Voyons maintenant le terme ekayana. Ekayana veut dire le seul chemin. Ceci, nous dit le Bouddha, est le seul chemin. Ekayana est un terme composé qui comprend deux parties. Eka et yana. Eka veut dire seul, yana veut dire voie. Ekayana, c'est donc la seule voie. Si nous voulons nous purifier l'esprit, les quatre établissements de l'attention sont la seule voie. Si nous voulons échapper au chagrin et aux lamentations, les quatre établissements de l'attention sont la seule voie. Si nous voulons mettre fin à la souffrance physique et à la souffrance mentale, si nous voulons atteindre le noble chemin et le noble fruit, si nous voulons atteindre Nibbana, les quatre établissements de l'attention sont la seule voie, nous dit le Bouddha. Mais nous devons interpréter correctement l'expression « ekayana ». Comme vous le savez, l'enseignement du Bouddha contient d'innombrables pratiques, il y en a 84 000. Le Bouddha nous parle de sila, la moralité, de samadhi, la concentration, de panya, la sagesse. Il a également parlé de dana, la générosité. Il a parlé des jhana, les absorptions. Et nous pouvons pratiquer tous ces enseignements. Nous pouvons pratiquer dana, la générosité, sila, la moralité, jhana, les absorptions, panya, la sagesse. Si nous pratiquons la générosité, dana, nous ne pourrons cependant pas nous libérer de la souffrance. Si nous pratiquons sila, la moralité, nous ne pourrons pas non plus nous libérer de la souffrance. Si nous pratiquons jhana, les absorptions, nous ne pourrons pas nous libérer de la souffrance. Pour nous libérer de la souffrance, comme la naissance, la maladie, la décrépitude et la mort, qui sont les formes les plus évidentes de la souffrance, il faudra que nous pratiquions panya, la sagesse, autrement dit, la méditation vipassana, la méditation de la vision pénétrante. Si nous désirons vraiment nous libérer de la souffrance, il faudra obligatoirement pratiquer cette méditation, c'est-à-dire les quatre établissements de l'attention, car les autres pratiques ne peuvent pas nous y mener. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter les paroles du Bouddha. Les quatre établissements de l'attention sont la seule voie. Il n'y a pas d'alternative. Ekayana a encore une autre signification. C'est le fait d'être seul. Lorsque vous pratiquez les quatre établissements de l'attention, ce que vous faites en ce moment, vous dirigez votre esprit vers l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ou vers tout autre phénomène qui se manifeste aux portes sensorielles. Vous essayez de noter de façon très précise. Au moment où vous notez ainsi les différents phénomènes, que ce soit les mouvements de soulèvement ou d'abaissement de l'abdomen, ou tout autre objet qui se manifeste aux portes sensorielles, vous êtes seul avec votre expérience. Même si vous vous trouvez en groupe, vous êtes seul avec votre réalisation. Vous réalisez directement par vous-même, c'est vous qui réalisez, personne ne le fait à votre place. C'est cela la signification de Ekayana, être seul avec son expérience. Il y a une troisième signification à Ekayana. C'est la voie excellente découverte par le Bouddha. Lorsque le Bouddha a découvert cette pratique, il a abandonné toutes les autres méthodes et a suivi son propre chemin. C'est la signification de Ekayana, la seule voie. Voyons maintenant les bénéfices de la pratique. Le premier bénéfice de la pratique de Satipatthana, nous dit le Bouddha, c'est la purification des êtres. Si nous observons nos esprits, nous pourrons constater qu'ils sont en permanence souillés par les impuretés. Les impuretés, c'est par exemple la colère, la haine, l'avidité, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme. Tous ces états d'esprit sont appelés les impuretés. Les impuretés souillent l'esprit. La plupart du temps, nos esprits ne sont ni clairs ni purs à cause de ces impuretés. Si nous voulons nous purifier l'esprit, il faudra pratiquer la méditation vipassana. Cette pratique va nous purifier l'esprit, car lorsque l'esprit est attentif, il expérimente spontanément la paix, le calme, la clarté. Le Bouddha nous explique qu'en essence, l'esprit est pur, ce sont les impuretés qui le souillent. Elles le troublent. Nous pratiquons la méditation vipassana et nous efforçons de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen chaque fois qu'ils ont lieu, ainsi que les autres phénomènes. Nous essayons de le faire de façon ininterrompue. Mais notre esprit n'arrive pas à suivre attentivement les mouvements. Il fait un effort tout particulier pour y arriver, mais après quelques respirations, l'esprit se met malgré tout à rêver, à penser, à se souvenir, à faire des projets d'avenir, etc. Il y a d'innombrables pensées qui le pénètrent. Parfois, nous penserons à quelque chose que l'on aimerait posséder. Parfois, on pense à quelqu'un qu'on n'aime pas et on se fâche. Parfois, les pensées vont générer l'angoisse. Parfois, ce sera l'orgueil. L'esprit est ainsi souillé. Il n'est ni clair ni pur. Si nous voulons nous clarifier l'esprit, nous devrons essayer d'être attentifs de moment en moment, car au moment précis où on note un objet, l'esprit est clair et pur. Imaginons par exemple une personne qui ne pratique pas vipassana et qui voit un objet. Si cet objet est agréable, elle va aimer cet objet. S'il est désagréable, elle ne l'aimera pas. Parfois, il pourrait même se fâcher. Aimer l'objet, c'est l'avidité, ne pas l'aimer, c'est dosa, la colère ou la haine. La colère, comme l'avidité, sont des activités négatives. Mais si nous sommes des méditants vipassana et que nous voyons quelque chose, au moment précis où la vision se manifeste, nous notons voir. Ni la colère, ni l'avidité ne peuvent pénétrer dans l'esprit. La séquence est interrompue. L'esprit ne va pas au-delà du fait de voir. C'est de cette façon que l'esprit se purifie et se clarifie, car il reste dans l'instant présent. Aucune pensée ne le pénètre. Tant que l'esprit est attentif, les pensées ne le pénètrent pas. Les quatre établissements de l'attention vont nous permettre de surmonter le chagrin et les lamentations. Nous expérimentons tous le chagrin et les lamentations, même si ce n'est pas de façon constante. Imaginons, par exemple, que nous perdions des êtres chers. La tristesse va se manifester, et plus l'attachement est fort, plus la tristesse sera grande. Parfois, nous ne pourrons même pas contrôler ces sentiments, nous nous mettrons à pleurer et à nous lamenter. Seule la pratique de vipassana va nous apprendre à surmonter le chagrin et les lamentations. Ces sentiments sont très forts, ils ne sont pas faciles à surmonter par les moyens ordinaires. Et même par vipassana, ce ne sera pas toujours facile d'y arriver. Si la pratique n'est pas correcte, il ne sera pas facile de surmonter ces sentiments négatifs. Mais si nous pratiquons de façon diligente, nous allons réussir à expérimenter le Dhamma. Vous allez probablement y arriver pendant cette retraite de 10 jours, et nous réussirons tôt ou tard à surmonter le chagrin et les lamentations grâce à notre pratique. Il y a beaucoup d'histoires dans les Écritures qui racontent comment il est possible d'y arriver, et notamment celle de Padachara a réussi à surmonter le chagrin et les lamentations. Cette histoire se passait du temps du Bouddha. Cette femme avait perdu son mari, ses deux fils, son père et sa mère. Elle perdit également tous ses biens. Elle était si triste qu'elle en devint folle et ne se rendait même pas compte qu'elle courait toute nue. Un jour, elle rencontra le Bouddha. Le Bouddha lui recommanda d'être attentive. Cette femme, qui avait des paramis dus à ses vies antérieures, écouta les enseignements du Bouddha, se mit à pratiquer l'attention et atteint l'illumination. Vous voyez que la pratique de l'attention peut amener quelqu'un à surmonter le chagrin et les lamentations. Les 4 établissements de l'attention vont également nous mener à la victoire sur la souffrance physique et sur la souffrance mentale. En pratiquant les 4 établissements de l'attention, nous dit le Bouddha, nous pourrons surmonter la souffrance physique et la souffrance mentale. La souffrance physique ne se limite pas aux souffrances légères, comme par exemple les maux de tête. La véritable souffrance physique, c'est le fait de prendre naissance, de vieillir, de subir la décrépitude et enfin la mort. Le Bouddha nous dit, la naissance est dukkha, la vieillesse est dukkha, la décrépitude est dukkha, la mort est dukkha. Personne ne veut vieillir, personne ne veut décrépir, personne ne veut mourir. Si vous voulez échapper à cette souffrance, vous devez donc pratiquer la méditation vipassana. La souffrance mentale, c'est par exemple le fait d'être séparé de ce que l'on aime, d'être associé à ce que l'on n'aime pas. Si nous voulons échapper à cette souffrance, nous devrons pratiquer vipassana. Plus nous pratiquerons la méditation vipassana, plus nous réussirons à échapper à la souffrance physique et à la souffrance mentale. La pratique des 4 établissements de l'attention va mener à la réalisation du noble chemin et du noble fruit. Si nous désirons atteindre l'illumination, il faudra pratiquer les 4 établissements de l'attention. Plus nous les pratiquerons, plus les connaissances vipassana vont se développer en nous, et tôt ou tard, nous atteindrons d'abord le premier stade d'illumination, le stade de celui qui est entré dans le courant. Nous allons ensuite atteindre le deuxième stade d'illumination, le stade de celui qui ne revient plus qu'une fois, ensuite le troisième stade, celui qui ne revient plus dans le monde d'expérience sensorielle, et enfin le 4e stade, l'état d'arhat. Si nous réussissons à atteindre le premier stade d'illumination, nous ne pourrons reprendre naissance que 7 fois au maximum et jamais dans les plans inférieurs. Il y a, selon l'enseignement du Bouddha, 4 plans inférieurs des plans de souffrance. C'est pour ne plus prendre naissance dans ces plans inférieurs qu'on pratique la méditation vipassana. L'enseignement du Bouddha nous dit que la pratique de dana, la générosité, est une bonne chose car elle permet aux gens de reprendre naissance dans les Sugati, les plans supérieurs, le monde des Devas ou le plan humain. Mais même si nous pratiquons Dana à la générosité, il n'est pas certain que nous reprendrons chaque fois naissance dans le plan humain, car cette renaissance dépend du karma. Au cours de nos existences dans le plan humain, nous avons parfois posé des actes positifs, mais parfois nous avons posé des actes négatifs. Nous écouterons parfois des enseignements sur le Dhamma, nous pratiquerons la générosité, nous aiderons les autres, tout ceci c'est du karma positif. Mais parfois nous allons voler, parfois nous allons mentir, c'est du karma négatif. Si on fait des actes négatifs, il devient impossible de reprendre naissance dans les bons plans. Donc même si l'on pratique Dana, nous sommes toujours susceptibles de reprendre naissance dans les mauvais plans. La pratique de Dana ne peut donc pas mener à la libération. La pratique de Sila non plus ne peut pas nous aider à atteindre la libération. La pratique de Samatha ne nous mènera pas non plus à la libération. La seule pratique qui permet d'atteindre la libération de la souffrance, c'est Vipassana. Si nous ne pratiquons pas Vipassana et que nous n'atteignons donc pas l'illumination, nous serons condamnés à reprendre naissance à l'infini, non seulement dans le plan humain, mais également dans d'autres plans. Et nous devrons chaque fois réexpérimenter la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Nous ne serons pas libérés de la souffrance. Par contre, si nous pratiquons la méditation Vipassana, nous nous donnons une chance d'atteindre l'illumination. Lorsque nous aurons atteint le premier stade d'illumination, il deviendra impossible de reprendre naissance dans les plans inférieurs. Nous ne reprendrons plus naissance que 7 fois au maximum et toujours dans de bons plans. La pratique des 4 établissements de l'attention nous mènera à Nibbana. Nibbana, c'est la paix éternelle. Vipassana va nous permettre de réaliser directement par nous-mêmes en quoi consiste Nibbana. Si nous ne pratiquons pas et ne réalisons pas par nous-mêmes, nous ne comprendrons pas en quoi consiste réellement Nibbana. Au cours de votre pratique, vous allez progressivement expérimenter la paix de l'esprit. Mais cette paix de l'esprit ne sera pas très claire au début, cela prendra un certain temps. Il faudra que vous vous conformiez aux recommandations du Bouddha. Le Bouddha nous explique que si l'on veut réaliser les 7 bénéfices de la pratique de Satipatthana, la purification des êtres, la victoire sur le chagrin et les lamentations, la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, la réalisation de Nibbana, il faudra appliquer ces recommandations. Quelles sont donc ces recommandations? Il nous parle de 3 choses, Atapa, Sampajana et Satima. Atapa, c'est l'effort vigoureux, une énergie physique et mentale. Sampajana, c'est la claire compréhension, et Satima, c'est l'attention. Il faudra développer ces 3 facteurs, mais c'est Atapa, l'effort vigoureux, et l'attention, Satima, qui sont les plus importants. Si nous fournissons un effort physique et mental pour être attentif sans interruption, nous comprendrons en profondeur et réaliserons la paix éternelle de Nibbana. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Je poursuivrai mon enseignement sur Atapa et Satima, car ces 2 facteurs sont très importants et il faut bien les comprendre. Si nous les comprenons correctement, au cours de ces 10 jours, nous pourrons développer les connaissances vipassana, la sagesse, proportionnellement à l'effort que nous aurons fourni. Puissiez-vous tous être heureux et en paix, puissiez-vous tous pratiquer de façon diligente, puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma, puissiez-vous tous atteindre Nibbana. So, I will stop here for today. I will continue to explain Atapa, Sampajana and Sthima, because these are very important to understand. If we understand these three things, we can put forth effort, then during that 10-day retreat, we can understand the insight knowledge according to our practice. So I will stop here for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly. Then may you attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.